Bonsoir, vous écoutez La Face Cachée du Folk, l'émission qui démystifie les musiques traditionnelles tous les lundis soirs à 21h. Issue de la rencontre des courants folkloristes et du revivalisme folk, les musiques traditionnelles d'aujourd'hui proposent une palette sonore très large, difficile à classer. Loin de l'image vieillotte que le bal folk véhicule parfois, la professionnalisation de nombreux musiciens et l'évolution des danseurs ont fait entrer cet univers sur la scène des musiques dites actuelles. La Face Cachée du Folk a pour ambition de vous faire découvrir et apprécier cette palette sous toutes ses couleurs au travers d'interviews et d'extraits musicaux. En 2017, au Festival Le Son Continue, j'avais rencontré Nicole qui nous avait appris plein de choses sur les musiques cajun, sur la culture cajun. Et cette année, édition 2018, elle est venue avec Bobby Michaud, dont elle nous avait parlé d'ailleurs en 2017. Et donc ce soir, vous entendrez une interview de Bobby Michaud réalisée lors de l'édition 2018 du Festival Le Son Continue. Donc on va replonger un peu dans l'ambiance musicale et estivale de ce festival. Bonsoir Bobby. Bonsoir. Tu es présent là au Son Continue en visiteur, mais je t'ai vu jouer. Tu es venu avec des copains cajuns. Oh, de France. Les Français que je connais depuis 20, 30 ans qui jouent la musique cajun. Ouais. Tu es musicien ici, qu'est-ce que tu joues? Oui, j'ai venu ici première en tourisme en 83, mais pour jouer la musique en 89. Et là, j'ai resté comme assistant prof d'anglais, j'ai commencé à faire la musique à côté. Et là, une chose arrivée à l'autre, et là, je viens plus souvent. Tu fais un peu le retour finalement du français de Louisiane à français en France. Nicole nous avait déjà un petit peu expliqué l'histoire des Cajuns. Est-ce que toi tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour ta famille? Puisque donc toi ta famille a émigré de France et puis est partie dans les Amériques. Oui, on dit Cajuns descendant des Acadiens, mais la plupart des Français qu'on appelle Cajuns en Louisiane actuelle ne sont pas descendants acadiens. Les Acadiens, c'est très important parce qu'ils avaient dit avec 76 noms de famille acadiennes au temps de déportation 1755. Mais les noms comme Thibodeau, Richard, Lejeune, Cormier, ça c'est acadien. Mon nom Michaud, c'est pas acadien. Nous, on venait de la Louisiane, de Saint-Domingue, Haïti, maintenant. Et avant, on venait de la Nièvre, Bourgogne. Oui, tu m'as dit la Charité-sur-Loire. Oui, oui. Mais il y a plein de familles qui sont absorbées dans la culture, si on veut, créole, louisienne, dans la langue des vieux français, un peu comme des métisages avec d'autres ethnies. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les années 40, tous les autres ethnies qui arrivaient chez nous étaient absorbées dans la culture française. Après, en force de anglais obligatoire à l'école, ça s'américanisait. Ça commence à absorber dans la culture américaine, melting pot. Mais malgré la langue, on a toujours les autres qui viennent chez nous, ils commencent à vivre comme nous. On va passer un premier morceau pour justement voir dans quelle ambiance musicale les nouveaux arrivants se retrouvent plongés. Qu'est-ce que tu peux nous proposer comme morceau? Dans la musique, cajun, bon, mais enregistrement a commencé en 1928 avec Joe Falcon qui a fait Allons à Lafayette avec sa femme Cléon Mabro. Ils ont fait les 78 tours et il y avait les maisons de disques, ils ont descendu pour enregistrer la musique ethnique tout partout aux États-Unis pour vendre au public, pour le public écouter ça. Et soi-disant, les gens, ils ont acheté des disques même s'ils n'avaient pas de gramophone. Madame, Ce premier extrait vous a montré un peu à quoi pouvait ressembler le Cadjin déjà au début du XXe siècle, hein, c'est oui. Ça. Et donc toi, ta famille n'était pas d'Acadie, mais plutôt déjà de la Nièvre et arrivée directement là-bas. Est-ce que c'était une famille par les îles. Ou par les îles, oui, bon, par Saint-Dagoumen. Un peu d'Acadien aussi, oui. Côté de ma mère, mais Canadien aussi. D'accord. Beaucoup d'immigrés et dans les milieu 19e siècle, comme j'ai des arrière-grands-parents nés en France et en Allemagne. Est-ce que dans ta famille, c'était déjà des musiciens? Oui. Mais dans le temps, ça ne jouait pas pour l'argent, dans le public, ça jouait dans les fêtes familiaux et tout ça. Donc dans toutes les familles, il y avait des musiciens en fait? Oui, oui, oui. Mais toute ma famille jouait de la musique. Mais ça commençait. Bon, mon père jouait un petit peu, juste à la maison. Son père jouait piano, guitare. La mère de ma mère jouait piano. Il y avait toujours les musiciens alentour. Il y avait toujours la musique dans les fêtes famille. Mais c'est mon génération qui a commencé à jouer pour l'argent. Et jouer comme ça. Comme professionnel, en fait. Oui. Oui, j'ai trois groupes de mes neveux qui jouent. Différents neveux qui jouent. Il y en a qui jouent du Cajun rock, il y en a qui jouent un peu bluegrass, gospel. D'autres qui jouent hard punk. Ouais, bon, bah, la musique reste, après les esthétiques se diversifient. Oui. Nicole nous expliquait que en fait, chez les Cadjins, souvent la musique ça se transmettait un peu. C'est bouche à l'oreille. Bon, les dernières générations, mes enfants par exemple, ils ont fait des cours de musique à l'école et elles peuvent lire la musique. Moi je ne peux pas lire la musique. Et bon, il y en a. Ça change, forcément, ça change. Mais d'habitude, c'est transmis à l'oreille. Alors comment est-ce que tu as appris? Alors, soit tes parents jouaient un peu de musique, tu as appris avec eux, tu as appris avec d'autres? J'ai appris avec mes frères et sœurs, d'habitude. Mon grand frère et avec des amis alentour. Et quand ça commençait à apprendre plus, j'allais voir les vieux musiciens. J'ai fait des bofs avec eux, après j'ai joué avec eux. C'est comme ça que j'ai appris, en écoutant. Oui, c'est une transmission orale, ouais. C'est traditionnel, quoi. On n'a pas parlé des instruments que tu joues, en fait, encore. Tu joues du banjo Non, banjo, non, c'est pas là-dedans, mais en fait, justement, mon premier instrument que j'ai essayé, c'était le banjo. Quand j'avais 10 ans, j'ai cassé ma jambe, mon accident de voiture, et mon oncle jouait le banjo à 4 cordes. Ouais. Et il m'a prêté son banjo et j'ai appris quelques chansons comme ça. Mais j'ai pas touché un banjo depuis. C'est ça, ma cousine qui l'a. Alors, tu joues quoi? Moi, je joue guitare rythmique, percussion, triangle, frottoir, l'accordéon, cadjin, mélodion, vous avez dit, et violon. Et j'ai même acheté une vielle à roue de centre de la France pour commencer à jouer. Ah ouais, un peu de cadjin sur de la vielle à roue, ça va être ouais, marrant. Ouais, j'en ai fait. Thank you. Et hier, dans le groupe qui jouait, donc ici au son continu, et il me semblait que donc il y avait une, je sais pas si c'était une guitare qui était mise à plat sur les genoux. Oui, guitare hawaïenne. Et en fait, le musicien il jouait avec comme des griffes qui étaient rajoutées. Oui, les anglais pour les doigts, un dobro, un peu comme dobro. Oui, une guitare hawaïenne dobro. Oui. Ça c'est vraiment dans la musique. Les années 40, les années 30. Fin des années 30, ça commence à se mettre ça dans la musique cajun. Oui. C'était quoi les instruments au départ avant? Oh, au départ, je pense l'accordion arrivait tard, fin 19e, 20e. Au départ, c'était des violons. Parce que quoi, les vielles et les cornemuses, ça ne survécut pas le voyage, tout ça. Et ça. Et ils m'ont dit qu'il y avait les clarinettes. La guitare arrivait fin 19e, 20e, mais c'était le violon surtout. C'était le roi dans le temps. Violon, et triangle, percussion, les cuillères. Après, l'accordion arrivé fin 19e et la guitare espagnole. Mais pour l'histoire des guitares glissantes hawaïennes, moi je pensais que ça venait de l'Amérique, mais en fait ça vient de l'Inde. Il y avait un Indien qui travaillait dans le Hawaii, qui a joué le sitar, qui a mis ça sur les guitares espagnoles avec une bouteille. Et après, ça allait de l'ouest à l'est. Ça arrivait aux États-Unis de la côte. Moi, je pensais que ça arrivait de sud, mais. Et après, ça arrivait dans les blues. Comme ça, ça j'ai appris, mais bon. Quelqu'un m'a dit ça. Ça peut être vrai ou pas. On peut demander aux ethnomusicologues alors. C'est un anglais qui m'a dit ça. Ah. Qui joue le slide guitare. Ouais. On peut passer un morceau où on va entendre cet instrument? Oui, oui. Oui, j'en ai un dobro. Thank you. voulais justement que Bobby Michaud nous évoque un peu les évolutions récentes peut-être du cajun, de cette musique, depuis le temps que tu joues, ou voilà, de là-bas. Est-ce que tu as vu des évolutions? Oui, beaucoup. Bon, quand j'étais petit, les groupes, c'était les grandes salles de danse, style avec l'accordéon, c'était en avant, c'est le roi. L'accordéon, vous autres appelez mélodion, avec 10 boutons diatoniques. Et violon, un ou deux violons, style guitare, glissant, et guitare rythmique et batterie. Des fois la basse. Et ça, c'était le style quand j'étais jeune, dans la salle de danse. Après, bon, les années 80, j'ai commencé à jouer. Il y en a qui se mettent dans le style traditionnel plus pour différents publics. C'était pas les grandes salles de danse, pour les restaurants ou les festivals folk dans les États-Unis, dehors de chez nous. Et là, depuis les années 90, les 2000, ça fait n'importe quoi avec. C'est-à-dire, il y a tous les instruments. Ouais, tout avant, mais. Il y a qui mettent plein des effets dans la musique, dans plein de la technologie. Bah, c'est peut-être l'évolution. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup plus de jeunes qui jouent maintenant que quand moi j'étais jeune. Ouais, c'est très vivant alors. Oui, oui. Il y a beaucoup qui jouent. Et ils jouent pour être professionnels? Pas tout le temps, quelques-uns. La plupart, ils jouent juste parce qu'ils aiment ça, ils ne font pas d'argent avec, ils jouent très bien, mais. Mais c'est pas le même que dans le temps, tu vois. Oui, bah ça change. Ça manque un peu de blues pour moi. Même les jeunes noirs qui jouent des haricots modernes, ils jouent trop fort souvent. Très fort et c'est pas... Ça manque un peu de l'âme pour moi. Ah oui. Pour moi. Alors les jeunes, tu disais, s'intéressent beaucoup à cette musique et ils jouent beaucoup. Est-ce qu'ils jouent des airs, on va dire, qu'ils ont appris, ou est-ce que c'est des compositions aussi qu'ils font? C'est la plupart des airs traditionnels qu'ils ont appris. Il y en a qui font des compositions. Mais souvent, les entre guillemets compositions, c'est un mélange des airs qui existaient déjà, à mon avis. Ça s'appelle les influences. Il y en a qui est original, mais la plupart, ils ont un peu pris de la droite et gauche pour mettre l'air ensemble. Les paroles, bien sûr, oui, ça c'est facile de mettre original, mais ouais, il y en a qui tournent bien, qui ont mis dans la lumière un peu plus, tu vois. Dessus le rosier blanc, la belle s'est mise à promener. Dessus le rosier blanc, la belle s'est mise à promener. Blanche comme la neige, belle comme le jour, ce sont trois capitaines, tous les trois lui font l'amour. Blanche comme la neige, belle comme le jour, ce sont trois capitaines, tous les trois lui font l'amour. Le plus jeune des trois l'a pris par sa main blanche. Le plus jeune des trois l'a pris par sa main blanche. Montez, montez, la belle, dessus mon cheval gris. Au logis chez mon père, je vous amènerai. Montez, montez, la belle, dessus mon cheval gris. Au logis chez mon père, je vous amènerai. Quand la belle entend, elle s'est mise à pleurer. Quand la belle entend, elle s'est mise à pleurer. Soupez, soupez, la belle, prenez-vous appétit. Auprès du capitaine, vous passerez la nuit. Soupez, soupez, la belle, prenez-vous appétit. Auprès du capitaine, vous passerez la nuit. Quand la belle attend, la belle est tombée morte. Quand la belle entend, la belle est tombée morte. Sonnez les cloches, tombeau violon marché. Ma mignonnette est morte, j'en ai le cœur dolent. sonner les cloches, tambour, violon, marché. Ma mignonnette est morte, j'en ai le cœur de houlant. Et où l'enterrent-il dedans le jardin de son père? Sous les trois feuilles de lys, soupliant Dieu, cher frère, qu'elle aille au paradis. Et où l'enterrent-il dedans le jardin de son père? Sous les trois feuilles de lys, nous prions Dieu, cher frère, qu'elle aille au paradis. Au bout de trois jours, la belle frappa à la porte. Au bout de trois jours, la belle frappa à la porte. Ouvrez, ouvrez la porte, cher père et bien-aimé. J'ai fait la mort trois jours pour sauver mon honneur. Ouvrez, ouvrez la porte, cher frère et bien-aimé. J'ai fait la mort trois jours pour sauver mon honneur. Vous écoutez La Face Cachée du Folk sur Fadjet 94.2 à Nancy. Et ce soir, on évoquait la musique cajun. Donc, on a parlé de musique. Tu as évoqué le terme zaricot. Tu peux expliquer un peu aux auditeurs ce que ça veut dire? Oui, zaricot, c'est un bon mélange de musique traditionnelle créole chez nous et le rhythm and blues américain noir après la guerre. Et là, ça vient d'une chanson qui s'appelle Les haricots sont pas salés, un dicton. On dit quand ça va mal, les haricots sont pas salés, il n'y a pas assez d'argent pour mettre de la viande si salée dans les haricots. Et là, je crois qu'ils appellent Clinton Chenier, qui jouait l'accordéon piano, qui jouait un peu les tubes blues Ray Charles, Fat Domino et tout ça, dans les années 50, 60. Et un journaliste américain a dit, comment t'appelles cette chanson? Il venait de jouer les haricots sont passés. Il dit, ça c'est les haricots sont passés. Zarico, il a écrit Z-Y-D-E-C-O. Ça vient de les haricots, comment écrit en français. Il a créé un nouveau mot, un style musical alors. Et le cajun, ça se danse aussi pas mal. Je ne sais pas si le zaléco, ça se danse aussi. Ça pratique beaucoup en Louisiane. Oui, oui, beaucoup. Ça se danse beaucoup là-bas. Tout le monde aime danser. Ça... Les jeunes aussi? Oui. Oui, oui, les jeunes, ils changent le style à danser. Ils apprennent avec des cours ou ils apprennent dans les soirées, dans les fêtes? Bon, dans les soirées. Il n'y a pas de cours. Bon, il y avait des cours, mais ça c'est pour les gens qui... Mais les gens qui font faire l'argent pour donner des cours. Mais ils apprennent dans les soirées. Hein. En fait, les haricots, ça a changé. Ça dansait différent il y a 20-30 ans que maintenant, ils dansent différemment, complètement. La vieille génération dansait plus de blues, un peu de valse. Valse à deux temps. Et les jeunes, ils sautent, dirty dancing. Bon, les jeunes, même ma génération. Bon, ça change avec les instruments, c'est technologique. Nous, la danse, on l'apprend souvent en atelier. Hein. Les cajun, c'est plutôt des concerts, je crois. Mais c'est comme ça qu'on le voit en France. Toi, tu disais tu es revenu fréquemment en France pour des concerts. Tu fais danser aussi? Oui, oui, ça danse. Moi, je donne pas des cours de danse, mais je pourrais expliquer un petit peu. Mais je vais. Quand tu joues, c'est pour un bal? Oui, oui, oui. D'habitude, c'est bien quand les gens ils dansent. C'est mieux. Bon, c'est pas tout le temps qu'ils dansent, hein, mais... Tu joues souvent? Enfin, tu joues dans des festivals ou pour des fêtes? Oui, les festivals, les soirées, restaurants, bars, cafés, les fêtes privées, tout. Partout en France? Oui, ouais, j'ai joué partout en France. J'ai joué beaucoup. Depuis 1989. Ouais, je connais la France comme ma main. Comme ceux de la Louisiane. Comme la Louisiane. Ouais. Si on veut trouver des informations sur tes prochains concerts, sur tes prochains bals. Oui, j'ai un site, mais c'est pas à jour pour les dates. D'habitude, je mets sur mon site, barbie-michaud.com. Et alors, quand tu joues plutôt solo ou tu invites des musiciens aussi? Non, il y a toujours des musiciens avec moi, au moins deux, des fois quatre, cinq, six. Alors, c'est des musiciens français, c'est des musiciens cajuns comme toi? Ah, des fois même des Américains. Oh. non-cadiens ni français, ou les Hollandais, ou les Français, ou s'il y a des cadiens dans le coin. En fait, j'ai fait un disque il y a 2 ans avec 2 filles de la Louisiane. C'est les filles des musiciens que j'ai joué avec avant, qui habitent à Paris. On a fait un disque il y a 2 ans avec Sarah Savoie et Emily Vidrine. Elle jouait avec ses parents avant, elles sont nées. Pas les Savoie, mais Emily. Ouais. Ça passe les générations, c'est chouette. Et ben, on va passer un dernier morceau peut-être de toi, ouais. De ton album solo qui s'appelle Gone Back. Gone Back, alors c'est Gone Back en Louisiane ou c'est Gone Back en France? Un ou l'autre, Gone Back dans le temps. Un voyage dans le temps, time machine. Merci beaucoup Bobby. Et à bientôt, plaisir de t'entendre en concert, bal, voilà, quelque part en France. Il n'y a pas de quoi.